Exercice 4, page 22. A. Juste. Transformer. Injuste. B. Père. Transformer. Impair. C. Apte. Transformer. Inapte. D. Connu. Transformer. Inconnu. E. Prévu. Transformer. Imprévu. F. Utile. Transformer. Inutile. G. Comparable. Transformer. Incomparable. H. Personnel. Transformer. Impersonnel. I. Acceptable. Transformer. Inacceptable.